Je vois de l'eau. Je vois des courants. Je vois le Rhin. Je vois des zones disputées. Le Rhin relie presque toute l'Europe. Le Rhin a été l'un des premiers théâtres d'une dispute sur la pollution de l'environnement au niveau européen. Un théâtre. L'anneau ? De l'or ? Non, du sel. En 1976, une pépinière près de Rotterdam accuse les mines de potasse d'Alsace à Mulhouse. L'eau que la jardinerie prélève dans le Rhin pour arroser ses plantes est tellement salée qu'un dispositif très coûteux doit être mis en place pour pouvoir l'utiliser. Cette salinité ne provient pas de la mer, mais des eaux usées provenant de l'exploitation des mines en Alsace. Le jardinier n'est pas intéressé par l'environnement, mais par l'oseille. Il veut de l'argent pour couvrir ses coûts supplémentaires. Bien sûr, et il est soutenu par une fondation qui se consacre à l'amélioration de la qualité de l'eau du Rhin. Et elle voit bien qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup en matière d'environnement. Et ils ont gagné ? Oui. Et quel est le rapport avec l'Europe ? Dans ce cas, il a été difficile de savoir quel tribunal était compétent pour cette affaire. L'entreprise horticole voulait absolument porter l'affaire devant la justice néerlandaise. L'entreprise minière préférait régler l'affaire chez elle, en France. Le tribunal hollandais n'était pas sûr de sa compétence et a soumis la question de la compétence à la Cour européenne de justice. Et donc ? La Cour a examiné toutes les possibilités et sa conclusion était assez surprenante. Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité civile et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, eh bien, il peut y avoir plusieurs tribunaux compétents. L'accusé doit alors se présenter devant chaque tribunal ? Non, ce serait injuste d'être jugé plusieurs fois pour le même fait. Mais le demandeur a la possibilité de choisir le tribunal qui traitera l'affaire. C'est particulièrement important en ce qui concerne le droit de l'Union dans le domaine de la protection de l'environnement, car cela permet de prendre en compte toutes les conséquences d'un événement dommageable. C'est bien sûr un signal fort, qui a un certain potentiel dissuasif, qui a encore lieu aujourd'hui bien au-delà du Rhin. Je vois. C'est comme pour l'Elbe. Non, je parle du Rhin. Oui, c'est bien. Ça me rappelle l'Elbe. Ah oui, là aussi c'est beau, le Rhin, la feuille d'harmonie... Non, après le sel, le charbon et les zones protégées. Mais quel rapport avec l'Europe ? L'aménagement du territoire relève de la compétence des États membres. Oui, mais ils ont aussi adopté ensemble des directives sur la protection de la nature et défini les sites Natura 2000 que les États se sont engagés à protéger. Ah oui, c'est ces endroits où on ne peut rien construire, n'est-ce pas ? Oui, mais pas seulement. Et c'est là que ton histoire mène à la mienne. La protection ne s'applique pas seulement à la réserve, mais aussi aux écosystèmes qui y sont liés. Concrètement ? Il existe une zone Natura 2000 vers Gesthardt, près de Hambourg, traversée par l'Elbe. Elle abrite des populations de poissons protégés qui migrent vers la mer, dont les saumons, mais aussi les lamproies de rivière et les lamproies marines. En 2008, le Land de Hambourg autorise la construction d'une centrale à charbon en aval, de l'autre côté de Hambourg, à Moorburg. Cette centrale est refroidie par l'eau de l'Elbe sur le trajet où nagent les poissons. La Commission européenne a vu dans cette installation une violation de la directive concernant la protection de la zone en amont de la rivière. Pourquoi la centrale, elle est à plusieurs dizaines de kilomètres, bien en dehors de la réserve naturelle ? C'est ce que faisait remarquer la République fédérale. Et en plus, elle a construit une installation de remontée pour les poissons migrateurs. Alors que veut l'Europe ? Tout est fait comme il faut pour ces poissons. Non, pas vraiment. Un État ne peut pas faire les choses à moitié en ce qui concerne ses réserves naturelles. Les États membres s'engagent mutuellement à suivre certaines règles. Celles-ci doivent être suivies de la même manière par tous. Et les manquements doivent bien entendu être reconnus comme tels. La Commission a donc traîné la République fédérale devant la Cour de justice européenne et l'a accusée de manquement à ses obligations. En construisant la centrale à charbon ? En l'autorisant. La Cour a constaté que la République fédérale n'avait pas réalisé une évaluation correcte et complète des incidences. L'autorisation pour la centrale électrique a été accordée avant l'évaluation. L'observation des populations de poissons a été effectuée après la construction de la passe à poissons, mais elle a été terminée avant la mise en service de la centrale électrique et de l'installation de refroidissement. Qu'est-ce que cela aurait changé ? Ils sont en dehors de la zone protégée, c'est tout ? C'est la première chose que le tribunal a constatée. Les populations de poissons migrateurs dans la zone protégée sont déterminées par le chemin vers la mer. Ce qui signifie que chaque projet sur ce chemin doit être examiné quant à la manière dont le projet affecte la zone et le chemin vers la mer. Cela ne signifie pas que plus rien ne peut être développé, mais une étude d'impact correcte et précoce de tout l'écosystème est le seul moyen de prendre les bonnes mesures. Par exemple, L'exploitant de la centrale à charbon aurait pu se voir imposer, avant la planification, une tour de refroidissement hybride comme système de refroidissement, ce qui aurait été supportable en termes de coûts. Et la centrale devra-t-elle être démolie maintenant ? Probablement pas, mais c'est un signal important. Les gouvernements doivent se tenir à leurs engagements. L'arrêt montre que les zones protégées sont en lien avec de plus vastes écosystèmes de vie et qu'ils doivent, dans la mesure du possible, être protégés au même titre. Ainsi, à l'avenir, pourraient se dessiner à travers le développement des réserves naturelles les contours d'un développement territorial commun au niveau européen.